pêcheurs d'Islande. Première partie. Chapitre 4. La première fois qu'elle l'avait aperçu, lui, ce Yann, c'était le lendemain de son arrivée au Pardon des Islandais, qui est le 8 décembre, jour de la Notre-Dame de Bonne Nouvelle, patronne des pêcheurs. Un peu après la procession, les rues sombres encore tendues de draps blancs sur lesquels étaient piqués du lierre et du houx, des feuillages et des fleurs d'hiver. À ce pardon, la joie était lourde et un peu sauvage sous un ciel triste. Joie sans gaieté, qui était faite surtout d'insouciance et de défis, de vigueur physique et d'alcool, sur laquelle pesait, moins déguisée qu'ailleurs, l'universelle menace de mourir. Grand bruit dans Paimpol, son de cloche et chant de prêtre. Chansons rudes et monotones dans les cabarets. Vieux airs à bercer les matelots. Vieilles complaintes venues de la mer, venues je ne sais d'où, de la profonde nuit des temps. Groupe de marins se donnant les bras, zigzagant dans les rues par habitude de rouler et par commencement d'ivresse, jetant aux femmes des regards plus vifs après les longues continences du large. Groupe de filles en coiffe blanche de nonains, aux belles poitrines serrées et frémissantes, aux beaux yeux remplis des désirs de tout un été. Vieille maison de granit enfermant ce grouillement de monde, vieux toits racontant leur lutte de plusieurs siècles contre les vents d'ouest, contre les embruns, les pluies, contre tout ce que lance la mer, racontant aussi les histoires chaudes qu'ils ont abritées, des aventures anciennes d'audace et d'amour. Et un sentiment religieux, une impression de passé, planant sur tout cela avec un respect du culte antique, des symboles qui protègent, de la Vierge blanche et immaculée. À côté des cabarets, l'église au perron semée de feuillages, tout ouverte en grande baie sombre, avec son odeur d'encens, avec ses cierges dans son obscurité et ses ex-voto de marins partout accrochés à la sainte voûte. À côté des filles amoureuses, les fiancées de matelots disparus, les veuves de naufragés sortant des chapelles des morts avec leurs longs châles de deuil et leurs petites coiffes lisses. Les yeux à terre, silencieuses, passant au milieu de ce bruit de vie comme un avertissement noir. Et là, tout près, la mère, toujours, la grande nourrice et la grande dévorante de ces générations vigoureuses, s'agitant elle aussi, faisant son bruit, prenant sa part de la fête. De toutes ces choses ensemble, Gaude recevait l'impression confuse. Excitée et rieuse, avec le cœur serré dans le fond, elle sentait une espèce d'angoisse la prendre à l'idée que ce pays, maintenant, était redevenu le sien pour toujours. Sur la place, où il y avait des jeux et des saltimbanques, elle se promenait avec ses amis qui lui nommaient, de droite et de gauche, les jeunes hommes de Paimpol ou de Ploubalzlanek. Devant des chanteurs de complaintes, un groupe de ces Islandais était arrêté, tournant le dos, et d'abord frappé par l'un d'eux qui avait une taille de géant et des épaules presque trop larges, elle avait simplement dit, même avec une nuance de moquerie, « En voilà un qui est grand !» Il y avait à peu près ceci de sous-entendu dans sa phrase « Pour celle qui l'épousera, quel encombrement dans son ménage un mari de cette carrure !» Lui s'était retourné comme s'il eût entendu, et de la tête aux pieds, il l'avait enveloppé d'un regard rapide qui semblait dire « Quelle est celle-ci qui porte la coiffe de Paimpol et qui est si élégante et que je n'ai jamais vue ?» Et puis ses yeux s'étaient abaissés vite par politesse, et il avait de nouveau paru très occupé des chanteurs, ne laissant plus voir de sa tête que les cheveux noirs qui étaient assez longs et très bouclés derrière sur le cou. Ayant demandé sans gêne le nom d'une quantité d'autres, elle n'avait pas osé pour celui-là. Ce beau profil à peine aperçu, ce regard superbe et un peu farouche, ses prunelles brunes légèrement fauves, courant très vite sur l'opale bleuâtre de ses yeux, tout cela l'avait impressionné et intimidé aussi. Justement, C'était ce fils Gauss, dont elle avait entendu parler chez les Moanes comme d'un grand ami de Sylvestre. Le soir de ce même pardon, Sylvestre et lui marchaient bras dessus, bras dessous, les avaient croisés, son père et elle, et s'étaient arrêtés pour dire bonjour. Ce petit Sylvestre, il était tout de suite redevenu pour elle une espèce de frère. Comme des cousins qu'ils étaient, ils avaient continué de se tutoyer. Il est vrai, elle avait hésité d'abord devant ce grand garçon de 17 ans, ayant déjà une barbe noire. Mais comme ses bons yeux d'enfant si doux n'avaient guère changé, elle l'avait bientôt assez reconnu pour s'imaginer ne l'avoir jamais perdu de vue. Quand il venait à Paimpol, elle le retenait à dîner le soir. C'était sans conséquence. Et il mangeait de très bon appétit, étant un peu privé chez lui. À vrai dire, ce Yann n'avait pas été très galant pour elle pendant cette première présentation, au détour d'une petite rue grise toute jonchée de rameaux verts. Il s'était borné à lui ôter son chapeau, d'un geste presque timide, bien que très noble. Puis l'ayant parcouru de son même regard rapide, il avait détourné les yeux d'un autre côté, paraissant être mécontent de cette rencontre et avoir hâte de passer son chemin. Une grande brise d'ouest qui s'était levée pendant la procession avait semé par terre des rameaux de buis et jeté sur le ciel des tentures gris-noires. Gaude, dans sa rêverie de souvenirs, revoyait très bien tout cela. Cette tombée triste de la nuit sur cette fin de pardon, ces draps blancs piqués de fleurs qui se tordaient au vent le long des murailles, ces groupes tapageurs d'Islandais, gens de vent et de tempête, qui entraient en chantant dans les auberges, se garant contre la pluie prochaine, surtout ce grand garçon planté debout devant elle, détournant la tête avec un air ennuyé et troublé de l'avoir rencontré. Quel changement profond s'était fait en elle depuis cette époque. Et quelle différence entre le bruit de cette fin de fête et la tranquillité d'à présent. Comme ce même Paimpol était silencieux et vide ce soir, pendant le long crépuscule tiède de mai qui la retenait à sa fenêtre, seule, songeuse et enamourée.